père. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Léa Salamé. Et je suis Théo Méton-Régimbaud. Et on va vous raconter l'histoire de Léo et le chat de la plage. Léo venait de renverser son bol de lait chaud. Il s'était brisé en 1000 morceaux sur le sol de la cuisine dans un fracas qui avait réveillé Fripouille. Fripouille, c'est le chat de la maison. Réveillé ? Pas vraiment. Une de ses paupières s'était juste soulevée. Il faut dire que Fripouille adore dormir. Alertée par le bruit, la mère de Léo s'était précipitée pour constater les dégâts. C'était le bazar. Elle était très agacée. Léo, c'est le troisième bol que tu casses en 5 jours. Ça suffit maintenant. Le petit garçon n'aimait pas les disputes. Il faut dire qu'il en provoquait souvent. Il faisait beaucoup, beaucoup de bêtises qui énervaient sa maman. Il se dépêcha alors de fuir sa colère. Il traversa le jardin pour se rendre sur la plage, en contrebas de leur maison bretonne. Il pleuvait. C'était une fine bruine, agréable et rafraîchissante. Léo adorait marcher sur la plage. Par ce temps-là surtout, ses petites chaussures s'enfonçaient de quelques centimètres dans le sable, y laissant une trace, pas après pas, comme dans la neige. Il marchait depuis quelques minutes lorsqu'il arriva à son rocher préféré, tout au bout du banc de sable. Quand il y avait du soleil, le garçon adorait s'asseoir sur la pierre et regarder le va-et-vient des vagues qui se brisaient contre les rochers. Soudain, un couinement se fit entendre, un minuscule gémissement. Léo se rapprocha. Il écarta une algue toute noire et découvrit un tout petit chat apeuré, blotti entre 2 cailloux. Le petit animal regardait Léo avec ses gros yeux ronds. Le garçon ne put s'empêcher de caresser le poil humide du chaton. Et quand il le prit dans ses mains, il se rendit compte qu'il était blessé. Il semblait avoir été pincé par un crabe. « Je vais t'emmener avec moi et on va te soigner », lui dit Léo, ravi de sa trouvaille. Le bébé chat était habillé de 3 couleurs distinctes. Du blanc qui recouvrait presque tout son pelage, mais il y avait aussi des petites taches noires à certains endroits. Et sa tête était presque entièrement beige, avec quelques petits reflets dorés, comme du maïs. Maïs, on t'appellera Maïs. Léo emmitoufla Maïs dans son écharpe et marcha en direction de la maison. Le chat lui donna un petit coup de langue sur la main, comme pour le remercier de son aide. Mais Léo savait qu'il allait falloir ruser pour le garder, parce que sa mère ne serait pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. S'il y en a pour un, il y en a pour deux, se dit l'enfant. Il poussa la porte de la cuisine. La maman de Léo lisait le journal dans le salon. Lorsqu'elle vit le petit garçon entrer, elle fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce chat? Il vient d'où? On en a déjà un, Léo, ça suffit, je n'en veux pas d'autre. Va le remettre immédiatement où tu l'as pris. » La maman de Léo était vraiment très en colère, d'autant qu'elle trouvait ce chat très laid. En plus, tu veux que je te dise, il est vraiment très très moche ton chat. Il a le poil terne, une oreille entaillée, la patte boursouflée. Si ça se trouve, il est même malade. Je n'en veux pas, tu m'entends? Je n'aime que les chats mignons et celui-là, franchement, il n'est pas du tout mignon. Alors déjà, c'est pas un chat, c'est une femelle et elle s'appelle Maïs. Et c'est pas grave si tu la trouves moche. Elle était blessée, toute seule et abandonnée. De plus en plus énervée, la maman voulut clore la conversation. De toutes les manières, je te préviens, Fripouille ne la supportera jamais. Léo était au bord des larmes. Il ne comprenait pas pourquoi sa maman était aussi dure. Mais il ne se dégonfla pas. C'est vraiment pas gentil de dire que Maïs est moche. L'autre fois à l'école, il y a François qui a dit à Amir qu'il était moche et qu'il s'habillait mal juste parce qu'il habite dans le quartier des usines. Eh ben, il s'est fait punir. Impressionnée quand même par la répartie de son fils et à court d'arguments, la maman de Léo souffla. « Bon, tu peux la soigner pendant 2 jours et après, dehors !» Et elle tourna les talons. Léo alla sécher Maïs. Avec beaucoup de précautions, il désinfecta sa petite patte blessée et lui donna à manger quelques croquettes et un petit bout de beurre. C'est alors que Fripouille se réveilla, dérangé par une drôle d'odeur qu'il ne reconnaissait pas. Quand il aperçut Maïs, son poil se hérissa. Il fit une affreuse grimace, souffla, cracha, grogna. Mais qu'est-ce que c'est que ce chat dans ma maison ? Murmura Fripouille dans sa barbe. Apeurée, Maïs fila d'un coup sous l'armoire. Elle faisait de grands yeux ronds, ronds et noirs, les mêmes que le chat botté lorsqu'il tient son chapeau sous son menton. Léo s'énerva. Il ne voulait pas que Fripouille se mette lui aussi à rejeter Maïs. Il la prit dans ses bras et déposa un baiser au-dessus de ses yeux et lui murmura. « Ne les écoute pas, Maïs. Moi, je t'aime comme tu es. » Fripouille avait décampé dans le salon. Léo lui dit. « Ce n'est pas un comportement de chat bien élevé, ça. Je suis très déçu, Fripouille. » Le chat grogna, cracha, se hérissa de plus belle. Alors calmement, Léo lui expliqua qu'il l'aimait toujours autant, mais que c'était important d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Le garçon expliqua que Maïs avait sûrement passé plusieurs jours dehors, qu'elle était blessée, qu'elle avait peut-être dû être abandonnée par ses parents. « Toi aussi, Fripouille, tu aurais aimé être secourue si tu avais été dans ce cas-là. » Mais rien n'y faisait. Le matou cracha encore et encore. Il ne voulait rien entendre. « Eh bien, puisque c'est comme ça, tu n'auras pas de croquettes ce soir. » conclut Léo en lui tournant le dos. Maïs, qui suivait la conversation depuis le couloir, trouva son nouveau petit maître un petit peu trop dur avec le pauvre Fripouille. Gênée aussi de créer autant d'histoires, elle voulut quitter la maison. Mais elle était trop faible. Alors elle eut une idée. La petite chatte se traîna jusqu'à Fripouille qui s'était encore assoupie sur un fauteuil. Elle attendit qu'il ouvre les yeux. « Coucou !» dit-elle en langage de chat. Mal réveillé, Fripouille bondit en l'air comme un ressort. Maïs attendit qu'il retrouve ses esprits et elle se lança, toujours en langage de chat. « Tu sais, je trouve que Léo n'a pas été très gentil avec toi. Je vois bien que tu ne m'aimes pas. Et je vois bien que je vous cause trop de problèmes. Si tu veux, dès demain, quand ma patte ne me fera plus mal, je partirai, je vous laisserai. » Fripouille fit une petite moue. Finalement, elle n'était pas si désagréable, cette étrangère. Elle avait même l'air sympa, en fait. Peut-être qu'il pourrait lui apprendre deux ou trois jeux rigolos pendant que Léo serait à l'école. Quand Maïs l'invita à partager sa gamelle, Fripouille accepta. Et quand il s'endormit, il la laissa se blottir contre lui. Au fond, Fripouille aimait bien sentir la chaleur de Maïs. Et à bien y regarder, il ne la trouvait finalement pas si moche que ça. Elle était différente, c'est vrai. Mais elle ne manquait pas de charme, avec ses petits yeux et ses drôles de poils blonds sur la tête. À ce moment-là, Léo entra dans le salon. Quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut les deux chats. Ces deux chats pelotonnés l'un contre l'autre. Il appela sa mère et lui dit avec un air fier et orgueilleux. « Ben tu vois maman, j'avais raison. Ils se détestent pas, ils sont copains et en plus, ils sont trop mignons. » La maman de Léo ne put s'empêcher de cacher un sourire attendri. Et elle lâcha. « Tu as gagné. C'est vrai, ils sont très très mignons comme ça. Tu peux garder Maïs. » Ce soir-là, Léo alla se coucher avec un immense sourire aux lèvres. Et sa maman, qui lisait dans le salon, s'endormit sur le canapé, bercée par la douceur des ronronnements des deux chats roulés en boule à ses pieds. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit les chatons. Non, une autre. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.